Des coups, elle ferme ses portes le lendemain matin et il donne le monde de 25$ parce qu'il était là pendant 30 ans. Lui, ça le met sur le cul, qui c'est qu'il reste? Parce que là, il a ouvert ses miens, il trouve une petite job en attendant. Fait que s'il ferme la porte, il y a une petite job à côté. Il braque, ça marche tout seul, cette petite job. Autrement dit, il a brisé la loi de nécessité, puis il a transformé la loi de nécessité pour qu'elle devienne un sport en attendant. Mais c'est toutes nos émotions. On se lie par nos émotions, puis on ne réalise pas. Veux-tu me dire une chose? C'est quand tu deviens conscient que tu commences à réaliser comment est-ce que tu étais inconscient. Tant que tu es spirituel, tu ne réalises rien, parce que ça fait partie de l'inconscient. Tant que tu es matériel, tu ne réalises rien, ça fait partie de l'inconscient. C'est quand tu deviens conscient que tu réalises que les deux t'ont enchaîné, à un niveau ou à un autre. Si tu travailles, tu n'as pas le temps de faire ta job, ben tu lis chez ta langue des mots. C'est sûr. Il y avait un article dans le journal dernièrement, là, le gouvernement a fait une loi contre ça, c'est une loi qui est pas bête partout. T'as des filles qui travaillent dans les bureaux. Il y en a qui sont couteau, des belles filles. Puis le patron, lui, il pense pas toujours à ses affaires. Ben, si la petite fille accouche pas avec lui, elle va perdre sa job. Le gouvernement a mis une loi contre ça, c'est bon. Ça protège la petite fille. Syndicat, whatever. Puis elle a combien? C'est tout vous, de même, puis même, puis même, puis même. Fait que la petite fille, elle vend son corps pour être sa job, puis le gars, il vend son âme pour être sa job. C'est ça. Il en prend un autre. Il change de secrétaire, ça va à peine. J'avais été engagé, c'est mon beau-frère. C'est bien. C'est nice, hein? Engagé? Ouais. Regardez dans l'industrie du film. Regardez dans l'industrie du film, comment ça marche? Ouais. Il y a des jeunes filles, là. Même toi, des jeunes filles. Quand t'es jeune, tu veux être artiste, tu veux être. T'as tout un idéal. T'es pur dans ton esprit quand t'es jeune. Tu rentres là-dedans, Charlie, puis là, t'es doué, tu commences à faire des conditions. 5 ans après, c'est fini, ta personnalité peut changer. T'es plus l'artiste. C'est terrible. Tu l'as vu pour avancer, c'est rien que pour garder ce que tu as. Ouais. Ouais. C'est pour garder ce que tu as. Parce que t'es attaché à ce que tu as. C'est une affaire. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. C'est quoi la fonction? Moi, il m'a dit une chose, vous n'aurez pas été de temps, moi. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, hein, t'es pas. C'est pitié. Non, c'est pas ça que je peux dire. Non, c'est merveilleux d'être une femme, parce qu'une femme peut aller au-delà. C'est pas ça que je veux dire. Non, mais dans le ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'autre bord. Du côté de Dieu. Je voudrais être une femme consciente, puis une femme, même inconsciente. J'ai des femmes inconscientes, je dis que tu fais pas ce que tu veux avec. Mais les femmes, en général, ils ont pas de pouvoir, ils ont pas de... Ils ont pas de pouvoir, ils savent pas sans ça. Ça me fera rien d'être ma femme. Être ma femme, ça me dérangera pas. C'est le petit bas qui est mis de 8 balles le même matin. C'est une vraie tigresse. Avant d'être comme ça. Ouais, c'est bon. Du jello au frère. Ah, quand t'es conscient, c'est une femme, c'est évident. Tout bout. T'as l'air. Bernard, c'est quoi en fonction des larmes? Des larmes, là? Des larmes? Ben, ça dépend. Tu peux. Ça dépend. Tu peux pleurer de ça. T'as raison. C'est un excès d'énergie qui fait vibrer le plexus solaire, qui fait vibrer les larmes. Une relaxation, un ami. Une relaxation. C'est un trop plein. C'est bon. Mais tu as raison, les larmes. C'est bon. C'est bon pleurer. Les gens qui s'empêchent de pleurer, c'est bon pleurer. Pleurer, c'est pas une émotion. Non, pleurer, c'est pas une émotion.